وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد cette nuit, la nuit du 2 du mois de Safar de l'année 1443 après la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le deuxième cours de notre série de cours sur le commentaire du livre de Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, Taysir al-Ibadat, la simplification des adorations pour ceux ayant une excuse. Pour terminer l'introduction sur la simplification at-taysir, je dirais que at-taysir est une chose qui est légiférée. C'est la simplification donc. À l'inverse de at-tasahul, qui est le laxisme, qui est une chose qui est interdite dans notre religion. Et at-taysir, la simplification, c'est le fait de prendre donc la simplicité dans notre religion, une simplicité qui sera légiférée et à propos de laquelle il y aura une preuve. À l'inverse de at-tasahul, donc le laxisme ou le laisser-aller, qui sera le fait de rechercher la légèreté dans la religion sans preuve, de rechercher une légèreté, une simplification, une simplicité sans qu'il y ait de preuve à cela, ou en allant à l'inverse des preuves, ou en allant à l'inverse, à l'encontre des preuves. Et at-taysir, donc la simplicité, est de deux sortes. Il faut savoir que, comme je l'évoquais au cours précédent, la base, le fondement de notre sharia, de notre législation, de la législation de l'islam, est que notre législation est facilitée. Et il y a dans cela nombre de preuves que j'ai évoquées la semaine dernière. Parmi ces preuves, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens de ces paroles, et Allah veut pour vous la facilité, et il ne veut pas pour vous la difficulté. La deuxième sorte de taysir, donc de simplicité, est la simplicité qui viendra lorsqu'il y aura des causes qui se produiront et qui emmèneront à cette simplicité. Parmi ces causes, par exemple le voyage, qui permet la simplicité dans l'accomplissement de la prière. Donc la prière pourra, celle de 4 raka'at, pourra être effectuée en 2 raka'at, en 2 unités de prière. Je dis pourra, car il y a à propos de cela, c'est-à-dire à propos de l'obligation de cela, une divergence. Certains parmi les savants voient que ceci est une obligation et d'autres voient que ceci est une permission. Donc il sera autorisé de prier 4 raka'at, mais ce que montrent les preuves, c'est que le fait de prier 2 raka'at pour les prières de 4 raka'at lors du voyage est la sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sans chercher à savoir si ceci est une obligation ou non, ceci est la sunnah, c'est ceci qui était pratiqué par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc comme ici cette simplicité ou cette simplification de certaines adorations lors de certaines causes, comme par exemple le voyage, qui donc permettra, qui sera une cause du raccourcissement de la prière, donc de prier les prières de 4 raka'at en 2 raka'at. De même que le fait de prier assis, parfois même allongé en cas de maladie. Tout ceci font partie de cette deuxième sorte de taysir, de facilité, de simplification que je viens d'évoquer. Et at-tasahul, donc là, le laisser aller, le laxisme, qui est interdit dans notre législation, que j'ai évoqué précédemment, parfois, elle se concrétisera chez certaines personnes par la recherche des paroles de certains savants. Elle se concrétisera dans la recherche de el-khilaf, la divergence, et le fait de prendre certaines paroles de certains savants sans qu'il y ait de preuves qui montrent cela, c'est-à-dire la viabilité de la parole de tel ou tel savant. Et ceci, nous l'avons déjà évoqué dans les cours précédents, le fait qu'un savant, tout en respectant sa position de savant et sa place d'imam, peut avoir donné un avis religieux ou avoir donné un jugement, une sentence religieuse sans qu'il y ait de preuves, ou lorsqu'il y aura des preuves qui iront à l'encontre de cette parole. Et ceci, je l'ai déjà évoqué à maintes et maintes reprises dans les cours précédents. Et les savants ont une expression ou une phrase qu'ils rapportent Au sujet de cela, ils disent « Man tatabba'a ar-rukhas tazandaq » Celui qui recherche les permissions sera tombé dans l'hypocrisie, dans le sens approximatif de leurs paroles. « Man tatabba'a ar-rukhas tazandaq » Donc celui qui recherche les permissions, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il cherche à prendre la permission qu'il trouvera dans la fatwa d'un parmi les gens de science. Il recherche la permission dans cela, la permission dans cela, la permission dans cela. Et sa pratique de la religion est construite sur les permissions. Sa pratique de la religion est construite sur les permissions. À l'inverse de quelqu'un qui aura cherché et sur un sujet, il aura pris une permission selon la fatwa d'un savant. Il y aura des preuves à cela et autre que cela. On ne parle pas de ça ici. On parle vraiment de la personne qui construit sa religion sur les permissions, sur les fatwa des gens de science qui tendent vers la permission. À chaque fois, ils recherchent la permission, la permission, la permission. Si vous vous rappelez, dans les cours que on avait fait précédemment le mercredi, notre série de cours sur les règles jurisprudentielles. Revenez-y, c'est une série de cours de 5 ou 6 assises. Dans lesquelles j'avais traité, encore une fois en introduction à nos séries de cours sur le fiqh, la jurisprudence. J'avais traité donc de ces 5 grandes règles principales jurisprudentielles. Parmi ces grandes règles, nous avions cette règle qui traite justement de « et-taysir », la simplicité, la simplification. Quelle est cette règle? Est-ce que l'un d'entre vous qui a assisté se rappelle de cette règle-là? Une des 5 grandes règles, on avait dit à l'époque, et c'était le sujet du cours, les 5 grandes règles principales jurisprudentielles. Fadal Kamel. Ahsant. Al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Elle fait partie des 5 grandes règles jurisprudentielles principales qu'on avait traduit approximativement par la difficulté appelle la simplicité. La difficulté appelle la simplicité. Parmi ces grandes règles qui sont connues, que l'on retrouve en dessous de cette règle, nous avons cette règle, ad-darurat tubihul mahdurat. Les nécessités, ad-darurat, autorisent les interdits. Et c'est une règle très importante dans notre sharia. Et cette règle-là est une ramification de cette règle principale, al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Donc la difficulté appelle la facilité. Et donc, lorsque tu trouveras une nécessité dans ta religion, eh bien, tu pourras t'autoriser un interdit. Ceci de par de nombreuses preuves que j'avais expliquées lors de ce cours. Comme par exemple, un exemple qui est donné bien souvent dans les livres de fiqh, lorsqu'une personne se trouve dans un endroit où elle a besoin de se nourrir ou de s'abreuver. Et par exemple, elle a besoin de se nourrir et si elle ne se nourrit pas de la chose qu'il y a devant elle, elle va mourir. Donc ici, il y a une nécessité. Une nécessité pour préserver sa vie. Elle doit se nourrir. Qu'est-ce qu'il y a devant elle? Il y a une bête morte. Elle n'a que ça devant elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle se laisse mourir? Non, elle doit préserver sa vie. Donc à ce moment-là, elle aura le droit de s'autoriser cet interdit, puisqu'elle n'a que cette bête-là devant elle, que cette chose-là à manger. On ne parle pas s'il y a des légumes et elle a envie de manger de la viande. Non, il n'y a que ça. À partir de là, elle aura le droit de s'autoriser cet interdit. Et une règle qui vient restreindre cette règle que les savants évoquent toujours lorsqu'ils évoquent cette règle, ad-darurat tubihul mahdurat, donc les nécessités autorisent les interdits, ils disent wad-darurat tuqaddaru biqadariha. Et les nécessités sont restreintes ou sont estimées selon le besoin. Selon le besoin, dans le sens approximatif. Donc ici, nous voyons que si une personne a un poulet entier devant elle qui a été égorgé d'une manière qui n'est pas selon notre législation, donc un poulet qui n'est pas halal, et cette personne elle doit manger, elle n'a que ça, et si elle ne mange pas, elle va mourir. Pour repousser la faim qui le poussera à la mort, qui l'emmènera vers la mort, il a besoin de manger une cuisse. Il ne lui est pas autorisé de manger le poulet en entier, ou même de manger la moitié du poulet, s'il sait qu'avec la cuisse, il va repousser cette nécessité. Ceci de manière résumée et en utilisant cet exemple. Et ceci montre la facilité, la simplicité de notre religion. Le fondement de notre religion, de notre sharia, de notre législation est facilité. Et beaucoup d'autres règles sont évoquées par les gens de science. Et toutes ces règles qui touchent à la facilité, at-taysir, viennent en ramification de cette règle qui fait partie des cinq grandes règles jurisprudentielles. Al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. La difficulté appelle, amène la simplicité. Ceci pour terminer l'introduction sur la simplicité. Et je vous avais promis de rentrer directement dans le livre, la parole de Cheikhul Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ici, au dernier cours, j'avais évoqué quelques-unes des questions, ou la traduction approximative de quelques-unes des questions qui lui ont été posées. La voie que je vais emprunter dans l'explication du livre sera de rappeler la question, puisque comme je l'ai dit dans le livre, toutes les questions sont venues au début du livre, puis les réponses de Cheikhul Islam. Et j'en avais lu une certaine partie la dernière fois ici. La voie que je vais emprunter pour que ce soit plus facile à comprendre et à faire la différence entre question et réponse, c'est que je lirai la question et on lira la réponse de Cheikhul Islam, ou en tout cas je lirai plusieurs questions comme aujourd'hui et les réponses de Cheikhul Islam à ces questions. Ceux qui ont envoyé ces questions à Cheikhul Islam ont dit: que disent les savants, imams de la religion, qu'Allah les agrée, à propos de la femme se trouvant loin des bains? Les bains, ici, c'est une traduction approximative de l'hammamat ou l'hammam. Ce qu'on pourrait dire en français, le hammam, les bains. Et je vais expliquer donc ce qui était voulu à l'époque dans les livres des savants lorsqu'ils évoquaient l'hammam ou l'hammamat et ce qui est autorisé de ce qui ne l'est pas. Que disent les savants imams de la religion, qu'Allah les agrée, à propos de la femme se trouvant loin des bains et devant faire les grandes ablutions, el-ghusl, mais craignant de se laver à la maison à cause du froid? Peut-elle faire les ablutions sèches, at-tayammum, puis prier? Deuxième question. Et lorsque la peur pour sa femme, la peur du mari pour sa femme, des grandes ablutions et de l'utilisation de l'eau empêche ce dernier, donc le mari, d'avoir un rapport intime avec elle, lui est-il autorisé d'avoir un rapport à ce moment-là, et que la femme fasse les ablutions sèches, tayammum, ensuite, ou plutôt le délaisse-t-il? Comme je l'avais expliqué, donc ici on va traiter beaucoup de sujets, qui sont des sujets qu'on a peut-être besoin tous les jours. Ici dans ces questions, nous voyons des questions qui sont en rapport avec le ghusl, donc les grandes ablutions, de même que tayammum, de même que les relations intimes. Donc les relations de l'homme avec sa femme. Et Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah a détaillé cela dans sa réponse. Il dit, dans le sens de ses paroles, la réponse: louange à Allah, Seigneur des mondes. Celui qui sera en état d'impureté majeure, l'impureté majeure, Al-Janaba. Ici, je vais détailler ce que Al-Janaba. Je vais détailler aussi quelques mots. On va les apprendre comme on a l'habitude dans nos cours, d'apprendre une définition courte. Facilité. Celui qui sera en état d'impureté majeure, que ce soit après éjaculation du sperme, durant le sommeil ou après un rapport intime. La personne qui s'est retrouvée en état de janaba, donc après, que ce soit après éjaculation du sperme, durant le sommeil ou après un rapport intime. Licite ou illicite? Regardez, Cheikhul Islam ici détaille. La question était sur les rapports d'un homme avec sa femme, avec son épouse. Ici, il dit licite ou illicite. Devra faire ses grandes ablutions, elle rousle, puis prier. Si les grandes ablutions ne lui sont pas possibles à cause d'absence d'eau ou de la nuisance occasionnée par cette dernière, quelle est cette nuisance? Il dit, par exemple, qu'il soit malade et que le bain rituel ne fasse qu'empirer sa maladie. Ou que l'air soit si froid que s'il se lave, il craigne de tomber malade de maux de tête, de rhume, de rhinite et autres que cela. Il fera alors ses ablutions sèches, at-tayammum, et priera, que ce soit un homme ou une femme, c'est-à-dire que le jugement concerne l'homme ou la femme, pas de différence entre les deux. Et il ne lui appartient pas de retarder sa prière au-delà de son heure. Donc ici, Cheikhul Islam nous donne ce que nous avons besoin, ce dont a besoin le questionneur. Il lui donne le jugement, ici, religieux. Ici, il parle de Al-Hadath. Al-Hadath, pour bien comprendre, une chose matérielle ou immatérielle, c'est un qualificatif, c'est-à-dire que la personne sera qualifiée de cela. On lui donnera ce qualificatif-là. Il est dans cet état-là, cet état de Hadath. Donc ce n'est pas une chose que tu peux palper. Comme la pureté majeure, tu ne peux pas la palper. Al-Hadath, donc c'est une qualité, un qualificatif ou une chose immatérielle, incorporelle, qui se trouve chez la personne, qui lui empêche de faire la prière ou autre que la prière parmi ces choses qui ont comme condition le fait de se purifier de cette chose-là. Donc on retrouve que les deux définitions sont très proches. La différence est que, à certains moments, on devra faire cette purification majeure et cette purification ou cette purification mineure. À quel moment on devra faire ça? Ici, Cheikhoul Islam te donne les cas généraux où tu devras faire ces ablutions ou cette purification majeure. Il te dit, celui qui sera en état d'impureté majeure, que ce soit après éjaculation du sperme, durant le sommeil ou après un rapport intime. Donc déjà, une des grandes bases, l'éjaculation. Et on va se contenter de cela, puisque c'est la réponse de Cheikhoul Islam. Et plus tard, on viendra sur d'autres cas qui nécessitent, qui lorsque la personne, il lui arrive cette chose-là, eh bien cela nécessite l'ablution majeure. Mais pour l'instant, on reste sur cela. Qu'est-ce qui nécessite, qu'est-ce qui demande l'ablution majeure? C'est l'éjaculation. À quel moment? Que ce soit pendant le sommeil ou après un rapport intime. Est-ce que ceci englobe l'homme et la femme ou ceci est propre à l'homme? Est-ce que ceci, ce jugement, lorsqu'on dit l'éjaculation du sperme durant le sommeil ou après un rapport intime? Concernant le rapport intime, il n'y a pas de doute que la réponse est oui, ça englobe l'homme et la femme. Les deux, Ahsan Ta'isa, Barakallahu Fik. Une chose que certaines personnes ne font pas attention peut-être, et c'est un... Comment dire? Ce n'est pas une honte, et nous le voyons dans cette question de Umm Sulaym, parmi les grandes sahabiyat, radiyallahu anha, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith se trouve dans le sahih de l'imam al-Bukhari et autres, où Umm Sulaym a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit dans le sens, est-ce que la femme, lorsqu'elle a al-ihtilam, c'est-à-dire lorsqu'elle voit ce qu'on pourrait dire comme un rêve érotique, elle se voit en train de faire l'acte pendant le rêve, est-ce que elle doit faire le ghusl, l'ablution majeure? Le hadith se trouve dans le sahih de l'imam al-Bukhari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, lorsqu'elle voit l'eau, idha ra'at al-ma', lorsqu'elle a vu l'eau, cette eau, l'ulama il dit, c'est l'eau que connaissent les femmes. La femme, lorsqu'elle se réveille de ce rêve érotique, elle connaît cette eau qui est venue lorsque elle a concrétisé dans son rêve cette chose-là, le rapport intime. C'est une eau que les femmes connaissent. Lorsqu'elle voit l'eau, elle doit faire le ghusl. De même que l'homme. Si l'homme se réveille, mais qu'il n'a pas, il a fait un rêve comme quoi il est arrivé jusqu'à l'éjaculation, mais qu'il ne trouve pas de traces de cette éjaculation, de traces de sperme. Il n'y a pas eu de sperme. Est-ce qu'il a l'obligation de faire le ghusl ou pas? Il n'a pas l'obligation de faire le ghusl. Car ce qui lui oblige de faire les grandes ablutions, ce n'est pas simplement d'avoir fait dans son rêve d'avoir vu le rapport intime, mais plutôt la sortie du sperme, l'éjaculation, comme l'a dit ici Cheikhoul Islam, que ce soit après éjaculation du sperme durant le sommeil ou après le rapport intime. Le rapport intime, il n'y a pas de problème. Le sommeil, on vient de voir, l'homme comme la femme, ils sont pareils dans cela, le fait que lorsqu'ils ont vu l'eau, l'eau de l'homme, il est connu, le sperme, l'eau de la femme, il est connu chez les femmes. Et nous voyons que dans ce hadith, rapporté par, dans ce hadith où Umm Sulaym a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons que Umm Salama, radiyallahu anha, a rigolé lorsqu'elle a entendu la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la question de Umm Sulaym. Et elle lui a dit, donc dans le sens approximatif de ses paroles, est-ce que la femme a cette eau lorsqu'elle... ou est-ce que la femme ici a cette éjaculation dans le sens de sa parole? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, bien sûr que oui, ou dans certaines narrations, et de dire, comment donc se fait la ressemblance de l'enfant? Et ça, c'est un autre sujet qui est traité dans d'autres hadiths. Lorsque les eaux se mélangent au moment du rapport intime, la ressemblance de l'enfant, et ceci est traité dans un autre hadith, et ce n'est pas le sujet ici. Tout ça pour dire que l'homme et la femme, à ce sujet-là, donc de l'éjaculation, est proche. Essayez quand vous prenez les notes, ici on retraite plusieurs sujets, ce sont des sujets qui sont assez importants. Faites les choses, c'est-à-dire lorsque vous prenez les notes, de les faire, c'est-à-dire de ne pas prendre tout ce que je dis en notes, mais surtout de leur donner un ordre. Ici on parle donc de la grande impureté. On a parlé de la petite impureté. La grande impureté, sa définition, en dessous de cela, à quel moment la grande impureté? L'éjaculation ou le rapport intime. À côté de cela, tu peux détailler. Là, on a terminé sur la grande impureté. Ensuite, on a que doit-on faire pour remédier à cette grande impureté? El-Rusl, comme il est expliqué ici, donc la grande purification. El-Rusl, pour résumer, et on y viendra plus en détail dans notre explication, c'est le fait de répandre l'eau sur l'ensemble du corps. Répandre l'eau sur l'ensemble du corps. Arrête-toi à ça pour l'instant. Et on viendra plus en détail au fur et à mesure qu'on va avancer. El-Rusl. La grande ablution. Une dernière chose qui est importante de voir, et on va s'arrêter sur ça pour le cours d'aujourd'hui. An-najasa. Donc on a al-hadath et an-najasa. On a vu le janaba, donc la grande impureté, et an-najasa, donc la souillure, ce qu'on pourrait traduire par la souillure. An-najasa, qu'est-ce que c'est? An-najasa, donc la souillure, c'est toute impureté corporelle. Regardez ici, le terme incorporel trouve son sens. Donc on va faire la différence entre al-hadath, donc cette impureté incorporelle, ou ce qualificatif donc incorporel, et al-najasa, ce corps, une impureté donc corporelle qu'il est obligatoire de purifier pour faire as-salah et ce qu'il y a dans le sens de as-salah, la prière. Donc c'est une souillure dont le musulman doit se prémunir et se purifier. On a dit précédemment, regardez pour bien se rappeler à chaque fois, de ces règles. Al-hadath, la purification de l'hadath, la purification de l'impureté mineure comme de l'impureté majeure. C'est une condition parmi les conditions de la prière. C'est-à-dire que la prière n'est pas valide si une personne prie en état d'impureté, majeure ou mineure. Le fait de se purifier ou de se prémunir de an-najasa, cette souillure, est une condition d'acceptation de la prière. Et quelles sont ces trois choses dont le musulman doit purifier, ces trois choses que le musulman doit purifier pour que sa prière soit acceptée? Ces trois choses, on les a citées précédemment. Trois choses. Mahdi, tfaddal. Le corps. Le vêtement et l'endroit. Ahsant. Ceci, ce sont des choses qu'on doit connaître par cœur. Le musulman doit purifier, doit se prémunir dans trois choses de l'impureté de najasa. Son corps, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir d'impureté sur son corps, il doit l'enlever, il doit la faire partir. De même que ses vêtements, de même que l'endroit de sa prière. L'endroit qu'il utilise pour prier. Et ici, pourquoi je rappelle najasa, même si on n'en a pas parlé, pour aussi mettre un point sur une chose qui est mal compris chez beaucoup de gens, lorsqu'ils font une certaine corrélation entre an-najasa, donc cette souillure, et al-hadath, l'impureté. An-najasa, cette souillure, lorsqu'elle atteint une personne, que ce soit sur son corps ou sur ses vêtements, eh bien, ce qui lui incombe, c'est de s'en prémunir, de la faire partir, de l'enlever. Mais cette najasa n'annule pas ses ablutions. Cette najasa, lorsqu'elle le touche, elle ne le rend pas en état de hadath, d'impureté mineure. Et beaucoup de gens se trompent dans cela. Par exemple, lorsque le chien s'approche d'eux et qu'il met de la bave, par exemple, sur sa main, ici, la pureté du chien, c'est une impureté dure, mughallada, comme ils disent les ulama, ça on y viendra plus tard. Mais lorsque le chien vient et met un peu de... ou s'approche, ils ont peur. Et ils disent, alhamdoulilah, qu'il ne m'a pas touché, sinon j'aurais dû refaire le wudu. Non. Ça, ce sont deux choses différentes. Ce sont deux choses différentes. Donc la souillure, lorsqu'elle touche le musulman, elles ne le font pas sortir de cet état de pureté rituelle. Ceci est très important. Et une dernière chose, donc, avant de terminer, pour revoir la réponse de Cheikhoul Islam, il dit, celui qui sera en état d'impureté majeure, que ce soit après éjaculation du sperme, durant le sommeil ou après un rapport intime, licite ou illicite. Ici, il y a un petit détail à faire, mais ici on parle que le rapport intime soit licite ou illicite. Que ce soit avec une femme qui soit illicite pour toi, ou que ce soit même d'une manière illicite, c'est-à-dire comme par exemple la masturbation. Eh bien, tout ceci a le même jugement. Il dit, devra faire ses grandes ablutions, donc le rousl, puis prier. Si les grandes ablutions ne lui sont pas possibles à cause d'absence d'eau, ici on rentre dans le sujet de la risala, du livre. Si les grandes ablutions, le rousl, ne lui est pas possible à cause d'absence d'eau ou de la nuisance occasionnée, eh bien elle devra faire les ablutions sèches, donc at-tayammum. Donc at-tayammum ici, et on l'expliquera plus en détail au prochain cours, at-tayammum c'est un grand sujet, mais vous allez voir qu'on va le rendre beaucoup plus facile. On va traiter des sujets comme par exemple cette pierre qu'on trouve dans beaucoup de mosquées. La pierre qui est posée dans beaucoup de mosquées, est-ce qu'on a le droit de faire tayammum avec ou pas? Ici, il y a une divergence auprès des al-fuqaha et on va essayer de rapprocher la chose pour la comprendre plus facilement. Pourquoi certains disent non, tu n'as pas le droit et certains d'autres disent tu as le droit. On y reviendra plus tard, donc dans l'explication de tayammum, on va essayer de le simplifier le plus possible dans le prochain cours. Mais ici, cette personne-là, elle devra faire tayammum. Donc à quel moment tu fais tayammum? Cheikhoul Islam te l'a dit ici. Lorsque tu n'as pas d'eau, tu peux le mettre tayammum, tu laisses une partie, parce qu'on va expliquer qu'est-ce que tayammum, mais à quel moment tu peux faire tayammum? Lorsqu'il n'y a pas d'eau, en cas d'absence d'eau, ou de le deuxième cas, de la nuisance occasionnée par cette dernière. Pas d'eau ou nuisance occasionnée. Et il te donne des exemples. Il te dit par exemple qu'il soit malade, la personne est malade déjà, et que le bain rituel ne fasse qu'empirer sa maladie. Et dans cela, nous avons ce hadith où ce sahabi, as-sahaba, lui ont, alors qu'il avait une plaie, une blessure, et as-sahaba à cette époque-là l'ont orienté vers le fait qu'il était obligé de faire le bain rituel. Donc ils ne l'ont pas orienté vers le fait de faire tayammum. Et cette personne est morte, car le fait de mettre de l'eau sur sa blessure a fait que la blessure peut-être s'est réouverte, etc. Donc ces choses qui sont connues dans le milieu médical et dans tous les cas, qui ont entraîné la mort de ce sahabi, radiyallahu anhu. Donc une personne qui est malade et que l'utilisation d'eau ne fasse qu'empirer sa maladie. Ou, un autre exemple, que l'air soit si froid, c'est-à-dire que la température soit si froide, que s'il se lave, il craigne de tomber malade. Il n'est pas malade, mais il fait froid. S'il rentre et il se lave, peut-être parce qu'il n'a pas d'eau chaude, et ça on va l'étudier dans ce qui est en relation avec le hammamat, le hammam. Et c'est le hammam, le hammam. Ce n'est pas le hammam, l'endroit où tu fais tes besoins, azzakallah. Ici, c'est le hammam qui est voulu. Et quelle sorte de hammam, on le verra au prochain cours. Inch'Allah. Donc l'air est si froid, que la température est si froide, qu'il craigne de tomber malade, craigne d'avoir une migraine forte. Et l'ulama dit une migraine forte. Pourquoi? Et c'est sur ça que je vais terminer. Ou un rhume, ou une rhinite, ou une angine, ou une grippe, et autre que cela. Parmi les choses qui sont connues, si tu rentres dans un endroit comme cela, tu fais ta douche et tu sors dans un froid pareil. Et l'ulama, il donne en condition, pour la plupart d'entre eux, pas tous, mais pour la plupart d'entre eux, le fait que ceci soit fort. Et nous voyons que Cheikhoul Islam, par exemple, ne met pas ça en condition ici dans le livre. Mais la plupart des ulama mettent en condition que ce soit une forte migraine, quelque chose qui va vraiment nuire grandement à la personne. Et ils disent, lorsqu'ils mettent cette condition, ils disent que quand c'est une chose qui est, comment dire, supportée par les gens du pays, il n'y a pas de mal. Et on peut voir que dans cela, les gens sont différents. Et chaque pays est différent. Certaines personnes dans les pays très chauds, lorsque tu leur parles d'un petit peu de froid, ils ont peur tout de suite. Et ils ne peuvent pas s'approcher de cela. Tu les peux les voir même en été dans leur pays apporter un manteau. Alors que toi, tu ne pourrais, même en débardeur, c'est difficile pour toi de supporter la chaleur. Donc les gens sont différents dans, en fonction du pays, de l'endroit et du temps. Donc ceci revient à l'urf, c'est-à-dire les us et coutumes des gens du pays. Mais si dans un pays, le fait d'avoir un petit rhume comme ça après avoir fait un bain et être sorti parce qu'il fait un peu froid, avoir un petit peu le nez qui coule, ça c'est pas quelque chose, c'est chez ces gens, c'est quelque chose, ils n'y font même pas attention. Donc à ce moment-là, on ne dira pas que cette personne-là, chez la plupart des savants comme je l'ai dit, on ne dira pas que cette personne-là elle ne doit pas faire ses grandes ablutions et qu'elle fasse tayammum. Non, ça c'est une chose qu'elle peut supporter, c'est quelque chose que les gens du pays, généralement, ils peuvent supporter, donc ça ne rentre pas dans cela. Comme je l'ai dit encore une fois, chez la plupart des savants. Ici, Cheikhoul Islam te parle d'un rhume, de manière générale, à attraper froid, de manière générale. Donc on voit qu'il n'est pas sur cet avis-là. Et donc, il fera alors ses ablutions sèches, tayammum, et priera, que ce soit un homme ou une femme, et il ne lui appartient pas de retarder sa prière au-delà de son heure. Dans aucun cas, tu retardes ta prière au-delà de son heure, de manière voulue, de manière intentionnelle. Dans aucun cas. Et tu trouves que ici vient le taïsir, la simplicité de notre sharia. Tu n'as pas d'eau, tu fais tayammum. Tu ne connais pas la direction de la qibla, tu fais un effort et tu pries dans la direction qui t'apparaîtra être le plus proche de la direction de la qibla. Tu ne peux pas prier debout, tu es dans un engin, par exemple dans un avion, et tu ne peux pas te mettre debout, tu prieras assis. Ici, on voit la simplicité de notre sharia, mais dans tous les cas, tu ne fais pas sortir la prière de son heure. Et on verra aussi au prochain cours, lorsqu'il va parler, Cheikhoul Islam, de l'jama', c'est-à-dire le fait de réunir les prières, quelle est l'heure de la prière, cette heure de à propos de laquelle tu ne dois pas sortir l'heure de la prière. Inch'Allah ta'ala, wa illa huna wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa barak, ala nabiyyina Muhammad, wa alhamdulillahi rabbil alamin.